Audiomatique. Ah! Next time you want to see him, don't wait till I'm asleep, because I don't care. You... How can you say that? Bienvenue à cette transmission 340 d'Audiomatique en compagnie des sonoristes. En introduction, nous vous présentions le projet Depth Charge mené par le londonien Jonathan Soul Kane de son deuxième album intitulé Lost avec un U et lancé en 1999. Vous avez entendu la pièce 21 mars 1993. L'existence d'Audiomatique ne serait possible sans l'existence des sonoristes. Et l'existence des sonoristes ne serait possible sans la musique, alors que la musique est tributaire de l'existence des sons. Et de fait, l'existence des sons a donné naissance à la musique, aux sonoristes et à Audiomatique. We come borderless, but full of body. Our hunger heating the heavens above and between your houses. We come living and dead in the monsoon darkness of a tractor trailer. Our sweat, the only water given to our drying mouths. We come in trunks, in the back of trucks and on the backs of flies. We come saying thank you and thankless in between the rows of fruits our hands have made. We come bearing a refrigerator of memories on our backs, carrying it up any mountain given to us. We come bearing the fallen mountains, the days of our uncongratulated thirst. We come bearing wars and the broken children at the bottom of them. We come riding the beaten horse promises of the state. We come on the white mare of this wealth, on the insanity of riding promise. We come tossing the invisible seed from burlap sacks the politicians promised would fill our barns but did not come, but did not come. We come harvesting the blood and music of empire. We come with our ghosts, straightening out their legs in this new land and walking through the tumbled and drying lakes. We come without visa or sanction, without any invitation or summary. We come torn out of a notebook, our edges rough, our pages untranslated as the sun now descending into the hair of a woman such that she has become the sun. She has become all golden in paradise. We come without warning or preassembled strut. We come as any animal that cannot be tamed. We come as hawk, as fox, as the startling clarity of water in a definitionless night. We come with our handsome invisibility, untucked and rambling down the street. We come whenever you bring your hand to your mouth and taste our food, or your food, or the blood. We come with our sleep on buses. We come waking you into the future. Thank you. À Audiomatique, c'était bien évidemment la célèbre formation de Beatles, de qui nous entendions la pièce « I Want You, She's So Heavy », qui effectivement se termine de façon inopportune, si on peut dire. La pièce se trouve sur l'album « Abbey Road », paru en 1969. Avant The Beatles, c'était le groupe Dos Santos et la pièce « Soul Party » tirée de leur unique album complet « Logos » publié en 2018. Et au début de la séquence musicale, nous écoutions la formation « Collocutor » menée par la saxophoniste Tamar Osborne. La courte pièce que nous avons fait jouer, intitulée « The Angry One », apparaît sur le plus récent album de Collocutor s'appelant Continuation et sorti en 2020. À Audiomatique, les sonoristes vous offrent maintenant à entendre le groupe anglais The Fall. Forever, or you can go to the Five and Diamond and buy yourself a Halloween mask. Thank you. en finale de ce bloc musical à Audiomatique, il s'agissait du duo danois Lindberg Hammer Foundation et sa composition Sweden, tirée de son deuxième album Brazilian Architecture, sorti en 2001. Tout juste avant, nous avions droit au duo allemand Millenia Nova qui nous interprétait la pièce I'm Dead, extraite de leur deuxième album Slow Emotion Sightseeing, paru en 1999. Et pour débuter, c'était le groupe anglais The Fall et la chanson God Box que l'on peut retrouver sur le single pour la pièce Oh Brother, lancée en 1984, mais aussi sur la réédition CD de son septième album studio, The Wonderful and Frightening World of, qui est sorti en 1984 pour la version originale et en 1988 pour la réédition CD qui comprend bien sûr la chanson God Box que l'on entendait. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation Boren and their Club of Gore. Thank you. L'artiste belge Geneviève Pasquier mettait un terme à cette séquence musicale audiomatique avec la pièce « Louche » tirée de l'album « Louche Effect » publié en 2017. Et avant cela, c'était la formation Baron and their Club of Gore et la pièce « Zombies Never Die » apparaissant sur l'album « Bylied ». Ce sera au duo américain Chivalry Corporation de nous accompagner vers la fin de cette transmission 340 d'Audiomatique. De leur cinquième album Radio Retaliation, paru en 2008, nous vous présenterons la chanson Sweet Tides, à laquelle participe Loulou Gelishkani. Les sonoristes reprendront les ondes mercredi prochain dès 17h afin de vous présenter en direct la transmission 341 d'Audiomatique. À défaut d'y être, il vous sera toujours possible de la retrouver quelques jours plus tard sur nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Chivalry Corporation et la pièce Sweet Tides. C'était Audiomatique avec les sonoristes.